Chapitre 3. Les captives. Ce soir-là, Nilsson rejoignit le camp de la bande des directeurs révoqués et de leurs serviteurs indiens. Tout ce monde ivrogne. Les blancs, gens tarés, déclassés, qui s'étaient exilés dans les forts, parce qu'ils étaient dévoyés et rebutés à cause de leurs vices. On doit bien penser que la vie n'est pas gaie dans les forts factoreries, comptoirs des compagnies de pelleterie. Des hivers de 8 mois. Pour compagnie, des agents grossiers, des trappeurs ignorants, des bûcherons sans culture d'esprit et des indiens. Une ressource, l'ivrognerie. Ces messieurs s'y adonnent ferme. Il y en a qui se finissent en 4 ou 5 ans. Ces ivrognes meurent de consomption, quelquefois de combustion spontanée. Ils allument leurs pipes, la laine prend feu, et la chair, imbibée d'alcool, se consume intérieurement très vite. Belle mort d'ivrogne, flambée comme un punch. Et c'était au milieu de si tristes cires que se trouvaient Mademoiselle de Pelwer et son ordonnance, une jeune fille ex-amazone de Béanzin. Très étrangement jolie, la prisonnière de ces bandits de l'Alaska. J'entends le haut Alaska, près de l'embouchure du Mackenzie. Oui, je le répète, jolie et étrange. Un profil hardi, un peu bizarre d'oiseau de mer, de mouette. Et des yeux superbes, faits pour voir dans l'immensité de la mer et du ciel. Des yeux merveilleux. La Dahoméenne était un de ces types de négresses que nos matelots et nos soldats trouvent sinon beaux, du moins séduisants. Figure somme toute agréable, malgré l'empattement du nez et les grosses lèvres. Beau et franc regard, dents éblouissantes. Et des formes à faire envie à la Vénus de Milo. Nathalie avait, de plus, un air de bravoure décidé. Or, jusque-là, les bandits avaient témoigné de beaucoup d'égards pour leurs prisonnières. Messieurs les directeurs révoqués s'étaient soutenus qu'ils étaient gentlemen. Mais il faut dire que Nilsson, le chat renard, comme l'appelaient les Indiens, leur avait fait comprendre que, s'il se montrait poli et réservé avec la jeune fille, son oncle serait d'autant plus coulant sur la rançon. Un des directeurs, Chirpic, ex-étudiant de l'Université de Montréal, intelligent mais jeté hors de sa voie par la noce à outrance, partageait la manière de voir de Nilsson. Malheureusement, celui-ci s'était absenté pour négocier avec les Sioux. Or, il y avait parmi les directeurs une vraie brute, espèce d'ours homme colossal, vieillard très robuste, quoique tout blanc. On l'appelait du reste l'ours blanc, tant la ressemblance avec cet animal était frappante au moral et au physique. Et ce soir-là, par malheur, l'ours s'était enivré fortement. Il avait alors des fantaisies et il était d'une gaieté d'ours. Il plaisantait lourdement, cyniquement. Il se mettait à danser la gigue pendant que ses Indiens sifflaient un air qu'il leur avait appris. Ce n'était pas qu'il fût très méchant homme, il l'était moins que Nilsson. Mais quelle brute! Et voilà que, comme il dansait la gigue au grand rire de ses camarades, il aperçut Mademoiselle de Pelwer et il lui vint une fantaisie. Il s'approcha d'elle et, comme il eût fait pour quelques paysannes, un jour de fête de village au bal campagnard, il lui dit « Allons, la fille, viens que je te fasse danser la danse des ours !» Mademoiselle de Pelwer pâlit. Nathalie s'irrita. Elles s'entre-regardèrent et prirent sur le champ leur résolution. Mademoiselle de Pelwer ramassa une pierre et, se jetant sur l'ours, le frappa au front, pendant que par derrière, Nathalie l'étranglait de ses mains musculeuses. L'ours tomba, assommé. Mademoiselle de Pelwer s'acharnait. Chirpic et ses amis intervinrent. « Assez, mademoiselle, dit-il. Assez, je vous prie, vous allez le tuer. » Mademoiselle de Pelwer se releva, car elle tenait le colosse sous son genou. « Oh » fit-elle, « lui mort, il ne serait qu'un imbécile de moins !» Et avec une énergie sauvage. « Sachez, dit-elle, que je ne crains pas la mort. Je la subirai plutôt que de subir l'outrage. Et moi, morte, adieu la rançon !» Chirpic s'inclina et dit. « Mademoiselle, quand l'ours sera en état de nous comprendre, nous le chapitrerons. » Et Nilsson, qui a de l'empire sur lui et qui va revenir, le forcera bien à ne jamais recommencer. Alors, c'est très bien ainsi. Dans ces conditions, je consentirai à écrire à mon oncle la lettre que l'on m'a demandée. » Et elle congédia les directeurs d'un geste princier. Ceux-ci saluèrent poliment et ils s'éloignèrent, laissant les Indiens de l'ours blanc relever et emporter leur maître. Quand l'ours revint à lui, il trouva autour de lui ses camarades. Tout près, Nilsson. Celui-ci fit donner à l'ours un grog bien chaud, puis il en attendit l'effet. L'ours bientôt se mit sur son séant, regarda autour de lui et fit effort de mémoire. Il porta les mains à sa tête et il sentit les linges qui l'entouraient. « Ah ah ! » fit-il, « cette petite Française a profité de ce que j'étais ivre pour m'assommer. » « Et vous, dit Nilsson, vous avez profité de votre ivresse pour être inconvenant avec elle. »« Oh, inconvenant, une petite invitation à danser. »« Par une brute ivre, en termes grossiers. » Chirpic d'un air méprisant. « Mais quelle civilité attendre d'un ours ?» Nilsson. « N'a-t-il pas commencé son invitation par ces mots grossiers ?»« Hé, la fille ?» Ce sont les termes dont il s'est servi. « Shocking, shocking !» L'ours, vous n'avez que ce que vous méritez. Et savez-vous ce qui arriverait si vous recommenciez, mon pauvre ami? Non, vous ne le savez pas. Je réunirai le conseil et je lui représenterai. Premièrement, que vous mettez ma combinaison en péril par votre conduite inqualifiable. Deuxièmement, que cette rançon énorme, si facile à obtenir d'un oncle reconnaissant du respect des égards accordés à sa nièce, je ne l'obtiendrai plus que très difficilement à force de chicanes. Troisièmement, que vous ne mériteriez pas de la partager avec nos associés. Quatrièmement, que, vous refusant à votre part, vous deviendriez un homme dangereux pour nous. Regardant ses amis, que fait-on d'un associé dangereux? Chirpic énergiquement. On le supprime. Et les autres? Fusillé, sans rémission. Nilsson. Vous entendez, l'ours. Sur ce, nous vous laissons à vos réflexions et nous espérons qu'elles seront salutaires. Et ils s'éloignèrent tous d'un air digne. Ils croyaient avoir maté l'ours. Mais l'animal était indomptable. Quand il fut seul, il se leva. Il se rabroua, s'étira, battit de ses poings sa poitrine qui rendit des sons sourds, poussa des grognements. Puis il eut un sourire semblable à un rictus de bête féroce. « Ah, dit-il, c'est ainsi. Eh bien, seul, oui, seul, j'aurai la fille et la rançon. » Il était homme à tenir parole.